We'll be right back.

Radio 21. Radio 21. We'll be right back. bientôt 4h du matin sur 21. Nous vous avons proposé ce soir la rediffusion du set de D-Tron. Et avant lui, il y avait Deg, enregistré samedi dernier au Fuse. Merci de votre écoute. À la semaine prochaine dès 1h, tout de suite après Cybercafé. Bonne fin de nuit et bon week-end sur 21.